bonsoir tout le monde, vous êtes sur Radio Gémozo 107 FM pour l'émission Jukebox. A priori, je suis toute seule avec Marcus, mais peut-être que Philippe va arriver. Oui, bah, il aime bien faire surprise. Ouais, voilà. Bah, il m'a envoyé un petit message aujourd'hui pour me demander si l'émission avait lieu. Donc, je lui ai dit que moi, j'y serais. On peut peut-être lui dire dans 15 jours, on va savoir. Bah oui, non, mais le message était d'aujourd'hui même. À moins qu'il anticipe. Bon, enfin, de toute façon, s'il est là, on sera content. S'il n'est pas là, ben, on sera content aussi. On est avec vous, c'est déjà bien. Ben, on va commencer par deux belles chansons d'Igelin, parce que franchement... C'est quand même un artiste qu'on adore et ben, il paraîtrait qu'il est mort. Voilà, donc c'est pas forcément une très bonne nouvelle, mais bon, faut bien que tout arrive. Hein. Je ne sais même plus ce que j'ai choisi comme titre, mais tu vas me redire ça, toi, Marcus. Ben, c'est La Rousse au chocolat et Je veux cette fille. Voilà, donc ça envoie du gros, ça va démarrer l'émission joyeusement. Et on y va. De la gare de Nantes, j'attends. Un vieux légionnaire s'endort sur sa bière en chialant. Qu'est-ce que je donnerais pas cette fille qui était avec moi. Je veux cette fille, cette fille, comprenez-moi. Quand je suis entré avec elle, elle avait un petit coup dans l'aile. Et maintenant je ne sais plus, je ne sais pas. Où est cette fille, seule fille, qui était avec moi? Quand on s'est pointé dans cette boîte, il y avait l'ambiance genre rôle de gare. Les frangines avaient la peau moite, tous les mecs nageaient dans le coltard. Au type qui flippait dans l'entrée, j'ai dit: hé, hey, tu l'as pas vu passer, mec? Et comme cet abruti me répond: mais cette fille, seule fille, qui était avec moi. Oh, t'énerve pas. Mais je comprends pas. Où est cette fille qui était avec moi? Oh. Mais les gars, je veux cette fille, cette fille qui était avec moi. Oh, je veux cette fille, cette fille. Trouvez-la moi. Je vous préviens que si elle n'est pas là d'ici un quart d'heure, je fais un malheur. Je veux cette fille. Cette fille, je ne connais même pas. Eh, hey, dis donc, qu'est-ce qu'il veut ce type? Qu'est-ce qu'il a? Oh, t'occupe, hein. Retourne au bar. Allez, dégage. Il veut cette fille. Cette fille qui était avec lui. Il veut cette fille. Cette fille. Trouvez-la lui. Eh, hey, attention le break. Ok, il veut cette fille, cette fille, ce soir est dans son lit. Bon, ben, on est un peu désolé, mais la platine 33 tours et... Oh, ça nous a fait une version originale. Oui, un peu lente, un peu bizarre. Un nul mais autre bon. Pareil. Ouais. Bon, du coup, on a passé le deuxième morceau directement depuis l'ordi, et puis voilà. Bon, c'est les joies du direct, c'est comme ça. Alors, on va continuer avec un groupe que j'aime beaucoup, le John Butler Trio, alors, dont le guitariste et chanteur est John Butler, et puis qui s'allie à des musiciens qui peuvent être différents. C'est un artiste qui a un succès énorme, il est australien, et en même temps qui reste très indépendant. Il était en plein succès en 2002, et en fait, il s'est arrêté pendant une bonne année parce que sa fille est née et qu'il est retourné dans sa ferme s'en occuper. Et puis après, bah, ma foi, il a recommencé, puis il a connu à nouveau d'énormes succès. Moi, j'ai eu la chance de le voir trois fois sur scène, c'est assez magique. C'est assez fabuleux de voir comment réagit le public en face de lui, avec un silence extraordinaire et toujours ce petit temps de silence avant les applaudissements. C'est vraiment... je l'ai vu à Paris, je l'ai vu à Ludres, je l'ai vu encore je ne sais pas où. Mais... Et encore, il est un petit peu moins connu en France que dans d'autres pays, quoi. Vraiment, il cartonne dans d'autres pays, quoi. Il cartonne beaucoup en Australie, aux États-Unis. Il est de père canadien et de mère des États-Unis, si je me souviens bien. Mais il est, enfin bon, c'est un guitariste hors pair, et puis alors il est capable de faire des trucs très endiablés, comme de faire des trucs extrêmement doux avec une note toutes les deux secondes, enfin, et tout le monde est toujours complètement suspendu aux notes de la guitare, enfin c'est, bon, moi j'aime beaucoup. Donc je vais vous faire entendre un morceau dont j'ai oublié le titre, mais de toute façon c'est pas très grave. C'est tiré du CD Sunrise Oversea. Thank you. everything was fine until that fateful day. That's when his luck started to change. The day he went to the open will blow up that mountain range. See, they moved to town a year ago, maybe more. Straight out of high school, the whole world he had in store. Wanted to travel, needed some dough. Everybody worked the mines, why should he say no? Don't ask him why, he can't explain why now things for him have changed. It's not his land, they're not his son. Now legend has it, or so they say, the bones of our ancient people, yeah, that's where they lay. And their descendants, who oh, close to heart, oh, that mountain range, Ben was hoping blew apart. And as I said, well, Ben, things weren't quite right. Now he's waking up screaming, man, if Voilà, bon, moi j'adore. T'es pas la seule. Ouais, ouais, ouais, c'est vraiment fabuleux. Et je vais vous faire écouter du Steve Earle. Ça fait un petit moment que j'en ai pas sorti. J'aime beaucoup Steve Earle aussi. Donc Steve Earle, c'est un artiste de country avec pas mal d'accent rock quand même, qui est né en 55 au Texas, et puis qui est arrivé à Nashville en 74. Et qui a commencé à jouer avec Guy Clark, hein, songwriter, dont on a passé souvent des morceaux de Guy Clark ici. Et il a sorti son premier album en 86 seulement, et puis en 88, alors il se veut très, très libre, hein, assez rebelle, et en 80, vers les années à peu près 88-89, là il a une bonne accointance avec diverses drogues, il a fini par faire pas tout à fait un an de tôle. où il s'est désintoxiqué, ma foi, par force, quoi. Hein, voilà, forcément. Et bon, il a toujours poursuivi sa carrière d'une façon très indépendante. Et il a sorti son dernier album en 2015. Alors, qu'est-ce qu'il a fait depuis, ça, je ne saurais pas trop dire. Mais bon, moi, j'ai eu la chance de le voir aussi sur scène. C'était en Suisse, il y a pas mal d'années déjà. Bon, c'est bien d'écouter un CD, mais c'est encore vachement mieux sur scène, quoi. En plus, c'était dans un restaurant, enfin, il y avait une salle, il était pas au milieu de nous, mais pas loin, quoi. Enfin, c'était vraiment, c'était un moment fabuleux. Hein. C'était quand il avait sorti son album Revolution, qui était un album fabuleux aussi, ça. Bon, voilà, donc je vais vous passer un titre qui s'appelle Transcendental Blues, qui est tiré de l'album du même nom. Transcendental Blues. Thank you. Et voilà, Steve Earle. Oh, c'est pareil, on le confond pas, hein. Il est quand même bien reconnaissable celui-là. Oui, là c'est une des voix que je reconnais toujours, ça. Il y en a comme ça quelques-unes. C'est vrai qu'on les reconnaît tout le temps. Le CD suivant, ça va être du Led Zepp. Alors ouais. Led Zeppelin, bon, on va faire un petit rappel quand même, hein. Groupe de rock britannique, originaire de Londres, formé en 68 par Jimmy Page avec Robert Plant, John Paul Jones et John Bonham. Qui sortait des Yardbirds, Jimmy Page. Et ouais. Et dissous à la suite donc de la mort de John Bonham en 80. Et bon, c'est un. Alors le but c'était d'envoyer du gros, hein, de faire du son. Considéré comme parmi les précurseurs de ce qu'on appelle le hard. Ouais. Considéré comme le précurseur du hard rock, du heavy metal, etc. C'est vraiment... et c'est plus de 300 millions d'albums vendus à travers le monde. Décrit comme le groupe le plus lourd de tous les temps et le plus grand des années 70. L'un des premiers groupes donc, de hard rock. Et voilà. Donc on estime que c'est un groupe qui a été aussi influent dans la décennie 70 que les Beatles avaient été dans la décennie précédente. Voilà. Et c'est vrai que 30 ans après, 30 ans, oui, 40 ans quasiment. 40 ans, oui. Plutôt 40 maintenant. Ils sont toujours vraiment connus. Bon, on en voit donc... C'est un morceau du 2, Living Loving Maid, le 2 qui est... Bah, moi, je suis fan de tous les albums, mais le 2, il est quand même particulier. Voilà, et moi, j'ai choisi le morceau. Attends, il est 25. Eh ben, bonjour Phil. Je ne sais plus quoi dire. J'arrive enfin, je suis de retour. Il est là, c'est incroyable. Bon, ouais, ouais. C'est bien. Moi, je mets ce que je veux pendant ce temps-là. Hein, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Fais-toi plaisir. N'importe comment, tu mets toujours ce que tu veux. Ah ben, absolument. Tu m'as pas mal. Non, on prépare ça chacun de notre côté et puis après on a la surprise de voir si ça colle ou si ça colle pas. Des fois, ça colle pas ou ça colle. Enfin, je vais faire de même. Tu vas faire de même. Ben, je vais quand même en passer encore un, là, parce que comme ça, tu as le temps de respirer. Oui, oui, oui. Hein, tu auras peut-être même le temps de nous ouvrir une bière. Peut-être. Peut-être. Non, tu vas déjà choisir quel morceau vas passer. Oui. Hein. Voilà. Phil, depuis qu'il est en retraite, il ne fait que de courir. Mais bon, bref. Donc, on continue avec Fats Domino, qui est né en 1928, quand même, à New Orleans, et qui est mort l'année dernière, à l'âge vénérable de 89 ans. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc, c'est du blues, hein. Musicien, chanteur et pianiste, blues, rhythm and blues, un peu de rock and roll, boogie woogie, enfin voilà. Donc il chante et il joue au piano. Et je ne sais déjà plus ce que j'avais prévu de vous passer. Si, je sais, je vais vous le retrouver. I want to walk you home. I want to walk you home. Please let me walk you home. I want to walk you home. Please let me walk you home. You look so good to me. Ooh-wee. I wish I was a lucky guy who could walk you right on down the aisle. I love the way you walk. I love to hear you talk. I love the way you walk. I love to hear you talk. I'm not trying to be smart. I'm not trying to break your heart. But if I ask you for a date, will you tell me that I'm not too late? I wanna hold your hand. Please let me hold your hand. I wanna hold your hand. Please let me hold your hand. You look so good to me. Ooh-wee. I saw you walking all alone. That's why I wanna walk you home. So let me walk you home. Please let me walk you home. I wanna walk you home. Please let me walk you home. You look so good to me. Ooh-wee. I saw you walking all alone. That's why I wanna walk you home. That's why I wanna walk you home. That's why I wanna walk you home. That's why I wanna. Et voilà, des vieilles voix qu'on a toujours plaisir à entendre. Oui, oui, hein? c'est court en plus. Hein. Il faisait des morceaux courts à l'époque. Il ne faisait pas des morceaux formatés. Ouais, mais tu vois, quand je suis toute seule à la radio, j'en passe deux à la suite. Comme ça, ça me laisse le temps de respirer un peu. Alors, je ne sais pas, il a été enregistré quand, ce morceau-là? Oh, bah là, tu m'en poses des questions. J'en sais rien, moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aux alentours de 40. Aux alentours de 40, parce que j'avais entendu dire que les 78 tours étaient formatés pour un certain nombre de minutes. Oui. Et c'est-à-dire que les morceaux duraient le temps d'un 78 tours. Et il y avait un folk, j'ai plus les noms en tête, qui essayait de jouer un morceau de Reverend Davis. Et en fait, il n'arrivait pas à le jouer au rythme auquel il jouait, parce qu'il s'était basé sur le disque. Et quand il a rencontré Reverend Garis, il lui a dit « Mais je ne le jouais pas aussi vite. On a accéléré le morceau pour qu'il tienne. » Après, sur le 78 tours. Il trafiquait déjà les sons à l'époque. Comme quoi, hein, les mythes. Voilà. Là, on va écouter un morceau de Rod Clements. Rod Clements du groupe méconnu en France, mais très, très, très, très grand en Angleterre, Lindisfarne, qui est un des plus grands groupes anglais, mais méconnu en Angleterre. Bon, je reviendrai sur l'histoire de Lindisfarne avec un live dans les prochaines émissions, parce que ça vaut le coup de les écouter. Et là, c'est un album que Rod Clements, bassiste, guitariste, que vous avez dû voir au Grattoir il y a quelques années, c'est un album qu'il a enregistré en partie chez lui et qui comprend toutes les chutes de morceaux qui ne sont pas sur des albums de Lindisfarne ou sur des albums personnels. Donc il y a un son un peu cuisine, simpliste. Et le morceau qu'on va entendre, ça s'appelle Road to Kingdom Come. Et dans la légende, il dit que c'est un des premiers morceaux qu'il a dû écrire. Et que c'est un petit morceau très mignon. Voilà. cute! Voilà. Very cute! Alors c'est essentiellement des albums des morceaux de blues, de blues anglais très simplistes. Voilà, Road to Kingdom Come. pour une fois, tu nous as pas trop mis un mauvais morceau, c'est bien, bravo. attends. C'est pas vraiment de la country, hein, c'est ça? Ouais, mais c'est pour attends, ça que ça te plaît. Attends la suite, on va ah déjà non, j'ai confiance en toi. Oui, et puis ensuite, tu vas faire des bons. J'ai confiance en toi, tu vas nous passer de la merde, mais bon, ça on a l'habitude. Il va te faire. Je vais me venger, tu vas voir. Non, mais ça faisait longtemps que t'étais pas venu, il faut que j'en profite un peu quand même. Ouais. Oui, voilà. On va écouter Papa Choubi, là. On va écouter Papa Choubi. Alors, moi, j'ai ramené un CD qui est... c'est Dixie Frog. Tu connais oui, Dixie Frog, Frog. Oui, donc, oui. C'est un label, en fait. C'est un label qui édite des compiles. Enfin, qui édite des... C'est des compiles de, essentiellement autour du blues. C'est un label qui produit aussi des artistes. Hein, Ouais, mais ils sortent des CD oui, de, bah, y a pas de, mal compiles, de différents artistes de blues. Ouais. En général, il y a enfin, une bonne qualité d'enregistrement, enfin, etc. Ouais. Et donc, du coup, moi, je ne me suis pas embêtée. Hein, j'ai pris un album de blues. Je crois qu'ils sont en train de couler. Extrêmement variés. Ils sont en train de couler. Bah, écoute, ouais. Ils sont nés en 86. Ils ont quand même tourné. Oui. Parce que les CD se vendent moins, c'est ça? Oui, peut-être. Ouais. Ouais. Enfin, ils ont du mal en ce moment. Et donc, j'ai choisi dessus un morceau de Papa Choubi, dont le vrai nom est Théodore Joseph Horowitz. Horowitz. Né en 60 à New York, le chanteur et guitariste américain de blues et de rock. Le fils de Vladimir. Je l'ai jamais vu sur scène, moi personnellement. J'ai vu des vidéos. Ça envoie du gros quand même. Oui, ça envoie du gros. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais. Alors son nom de scène est tiré d'une expression d'argot pop choubi qui veut dire avoir une érection. C'est d'un élégant. Ces artistes américains. Ouais. Voilà, bon. On envoie un morceau qui s'appelle le Smuggler's Game. Keys of beeswax sticking to my carcass, dealing with the hard facts. I never should have started playing this game, but I'm all in and locked down and feeling no pain. When push comes to shove, I put my money where my mouth is, heading for the border. Can you tell me which way south is? Standing in the breeze of the midnight sun, the moon is falling, I'm on the run. I got 700 miles of white line ahead of me, and it seems like the battle has only begun. Standing all alone at the edge of the world, I feel like I'm running out of time. Sleep is a luxury I can't afford. I got deep dark circles running under my eyes. It's a smuggler's game. It's a smuggler's game. Well, the pay is good and it's understood. The women don't know my name. And if it all goes right, I'll be set for life. Playing the smuggler's game, smuggler's game. Dual carburetor V8 pushing 125, and she doesn't even hesitate. Running down the highway, staring down the white. I'm damn, these drugs will be the death of me, but for now I'm doing fine. Starting to get the feeling like something's gonna go down. Looking in the rear view, praying there's no showdown. I step on the accelerator, hoping for some new steam. Looking at the gas gauge and trying not to daydream. Open up the windows and working up some new lines. Heading down the highway, driving to the sunrise. It's a smuggler's game. It's a smuggler's game. It's a smuggler's game. It's a smuggler's game. Well, the pay is good and it's understood. The women don't know my name. If all goes right, I'll be sick tonight. I'm playing the smuggler's game. Smuggler's game. Thank you. papers are in order. Hope there's nothing I'm forgetting. Trying to keep my cool on, waiting for the uniform to beckon with a waved hand and pray he hasn't been informed down to the wire. My nuts as big as bowling balls. Look him in the eye and smile. If he bluffs, I'll have to call. Tell him that I'm sightseeing, hoping to enjoy the sights. Señor, welcome to Mexico. Buenos dias and good night. It's a smuggler's game. Well, the pay is good and it's understood. The women all know my name. And all goes right, I'll be set tonight. Playing the smuggler's game, smuggler's game. It's a smuggler's game. It's a smuggler's game. It's a smuggler's game. It's a smuggler's game. It's a smuggler's de qui. Voilà. Alors, la question était, est-ce qu'on enchaîne ou pas? Oui, on enchaîne. Oui, on continue avec du blues, mais on va quand même au moins dire de qui il s'agit. Ouais, on s'éloigne un petit peu du blues, on se rapproche du rock, sérieusement. Rock, ouais. Voilà, blues rock, on va dire, ouais. Avec Gwyn Ashton. Come on, don't walk, run! Come on, baby, come and get it any time of day. fait un trop tôt, ce n'était pas fini. Ça fait rien, ça fait du bien, par où ça passe. Bon, on va passer à complètement autre chose, si alors, j'ai bien compris. On va arrêter l'heure du blues, parce que quand même... Hein ah, bah c'était presque un peu rock. Oui, blues rock. Hein alors, je rentre d'un long périple, après une tournée, un voyage en Martinique, et puis un voyage dans l'Ouest. C'est quoi, dans l'Ouest, en Bretagne? Dans l'Ouest, je croyais que c'était en Vendée, en fait, non, c'était à... au Croisic, ça n'a rien à voir. J'étais persuadé d'aller en Vendée, puis au final on m'a dit non, c'est au Croisic, en Bretagne. Bon, on te l'a dit avant que tu y ailles. Sur la route. Ah bah, t'as changé de direction. Ouais. Et bon bah pour me rappeler le soleil des Antilles, parce que la semaine dernière on a eu du vent et de la tempête en bord de mer. Et ben la mer était belle au moins. Ouais, surtout sur la côte sauvage. Et j'ai ramené un petit EP. Un bijou, j'espère. Ah. Je crains le pire. Une merveille. En général, quand ils trouvent les pires merdes en route, ils nous les passent avec bonheur. Non, c'est pas tout à fait une merde, parce que les arrangements sont bien foutus. C'est quand même Cassav qui a fait la réalisation des deux titres et les arrangements. Et il y a tout ce qu'on retrouve dans la musique antillaise et qu'on entend en permanence à la radio. Et ça fait... Donc tu ramènes ça de où? Ça fait du bien. De Bretagne ou de Martinique? De Martinique. Parce que j'ai pas tout suivi. De Martinique. Ah bon, alors voilà. Ça peut être que bon, ça va être ensoleillé. C'est un garçon bien sympathique, pas prétentieux pour un rond, Joël Ludbert. pardon, excusez-moi. Qui remercie le Tout-Puissant pour sa patience, pour la patience de cette réalisation. Le Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il a à voir dans la réalisation du CD? Je ne sais pas. Déjà, ça craint. Bon, attendons la suite. Ça craint pas, parce que ça parle toujours de... Oui, il a une bonne bouille, en tout cas. Ouais. Voilà, et le morceau s'appelle Chaloupé. Alors, c'est un zouk begin. Parce que souvent, on confond le zouk avec la begin, mais la begin, C'est pas le zouk. C'est pas tout à fait le zouk, c'est bien foutu. On sent Cassav derrière tout ça, quoi. Bon. Avec les chœurs féminins qui vont bien, enfin, tout. Voilà, chaloupé, un peu de soleil. Oh, et puis moi envie partager, envie d'amour. Et puis moi ni envie voler, si c'est là l'amour. Et puis moi c'est envie rouler, si chimène l'amour. Et puis moi envie naviguer, si bateau l'amour. Et puis moi envie, et puis moi espéré pour nous continuer de swinguer quand nous déjà commencé. Bel plaisir nous savourer que toujours fait nous vibrer en l'unisson en accord que fait nous toujours d'accord. Et puis au moins envie, et puis au moins envie, et puis au moins envie. Oh, et puis au moins qu'à sentir, moi c'est chaloupé, chaloupé, chaloupé. Et puis au moins envie, chaloupé, chaloupé, chaloupé. À pas sentir en cas, chaloupé, chaloupé, chaloupé. Et puis au moins envie, chaloupé, chaloupé, chaloupé. Finalement, hein, c'est bien joyeux. Un peu de soleil. Un peu de soleil. Bah, bon. On a eu une belle journée. Regarde dehors comme c'est beau. Mais oui. Hein. Ça appelle le rhum à consommer avec modération. Absolument. C'est toujours comme ça que tu le fais. Oui, oui. Toujours. Toujours comme ça. Toujours comme ça. J'ai pas pu en ramener. On a tout bu la semaine dernière. Bah, si t'étais en Bretagne, tu m'étonnes. Ouais, il faisait froid, tout ça, fallait se réchauffer. Voilà, c'est ça, parce que t'avais une caravane qui était pas chauffée. Non, une maison en bord de mer. On va continuer à rester au soleil avec la Corse. Ah bon ? Higelin. En Corse. Et la balade de chez Tao. D'accord, et alors quel rapport avec la Corse ? Il me semble que c'est une chanson qui a été écrite en Corse, si je ne m'abuse. Enfin... c'est marrant parce que toi aussi t'as ramené du Gilin, c'est bizarre. C'est bizarre. Il nous manque déjà. Ouais. Alors c'est une chanson qu'on. Mais lui, il a ramené un CD, c'est plus malin. Oui. C'est un des. Je considère que c'est un des meilleurs albums d'Higelin, hein, c'est-à-dire ses premiers essentiellement. Et c'est un album que j'ai écouté avec. J'aime aussi les derniers. Ouais, mais c'est-à-dire qu'on les a moins. On avait plus l'habitude de les écouter en boucle. Tu vois, il y avait moins de CD à écouter. Enfin bon, bref, je sais. On n'écoutait pas de la musique peut-être aussi facilement, et du coup, on écoutait en boucle ce qu'on avait. Voilà, et c'est un album que j'ai beaucoup écouté avec mon ami Bruno Laxener de Vanier, qui est parti trop tôt, lui aussi. Ça me rappelle plein de souvenirs. Le décès d'Higelin, c'est bizarre, hein, comme tu l'associes à des personnes. Higelin, voilà, c'est. C'est les années 80, ma jeunesse. Moi j'avais un copain qui chantait du Higelin dans les troquets, mais alors lui il est mort à 20 et quelques années. Quoi. Voilà, donc, donc on va écouter la balade de chez Tao, qui est une belle balade de Jacques Higelin. Baladons-nous. Qui sent le soleil. Avec Higelin. Va bientôt se lever sur la baie de Calvi. Je lève mon verre, le cœur. Aux amis de Tao, vivez heureux aujourd'hui. Demain il sera trop tard. J'ai un doute qui m'a envahi à propos de la Corse, mais bien sûr, la réponse est dans le texte de la chanson, La Citadelle de Calvi. C'est pour ça que je savais. Mais c'est quoi ton doute? Parce que là, mais c'est toi qui m'as fait semer le doute dans ma tête. À quel sujet? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Ah bon, en Corse? Et j'ai eu un doute de raconter une bêtise en direct. Ah ouais, d'accord. Tu doutes comme ça. J'étais surprise qu'il est allé quoi, enregistrer en Corse ou écrire? Non, il a une maison en Corse. Sais pas tout de la vie d'Igelin, moi, tu sais. Moi, j'écoute ses chansons, après sa vie, c'est sa vie. Voilà. Ah. On va enchaîner avec Stacy Earle, qui se trouve être la sœur de Steve Earle. Ça va être un style probablement un peu plus country. En fait, je vais découvrir avec vous. T'as jamais écouté? Non, j'ai pas écouté ce disque. Oh, j'ai peut-être écouté, mais j'ai oublié. Quels sont les musiciens? Elle joue avec son mari qui s'appelle Mark Stewart. Ah! Voilà. Ah! En fait, elle a commencé à jouer de la guitare à peu près vers 16-17 ans. Et puis, finalement, elle est montée aussi à Nashville à 29 ans. Comme tout le monde. Devinez pour faire quoi? Eh bien, pour jouer avec son frère et notamment sur Transcendental Blues, le disque qu'on a écouté tout à l'heure. Enfin, on en a écouté un morceau, quoi. Le morceau qui s'appelle Transcendental Blues. Voilà. Donc, c'est amusant parce que ce n'était pas du tout prémédité de ma part. Ouais. Bon, voilà. Et donc, le morceau que je vais vous passer s'intitule « Maybe That's Just Me ». Supposed to be, maybe just ain't what I hoped it'd be. something back. You take a little more and give more back. And give and take until it don't come back. Maybe that's just me. But goodwill will go around. C'est mignon. Elle a une voix sympathique. Voilà. Ouais, elle a une jolie voix. Puis voilà, un petit toucher de guitare. Enfin, c'est très mignon, quoi. C'est très mignon. Voilà. On va rester dans les noms célèbres avec Rosanne Cash. Alors Rosanne Cash, c'est pour, aux États-Unis, c'est une star comme on pourrait dire John Baez en France, tu vois. C'est... Ah d'accord. Non, elle est très très très très très réputée. C'est une des plus grandes avec Emmylou Harris. Alors, c'est la première fille de Johnny Cash, qu'il a eue avec sa première épouse. Ah, et c'est la femme, enfin, l'ancienne femme de ça y est, son nom m'échappe, de Rodney Crowell, voilà. Excusez du peu. Alors, l'histoire étonnante, c'est que Caroline Spence, avec qui j'étais en tournée il y a 3 semaines, là, va enregistrer avec Rosanne Cash un morceau, son tout premier morceau qu'elle a écrit, Caroline, Mean Condition, avec Rosanne Cash qui veut venir l'enregistrer avec elle sur un album. Waouh. Voilà. Alors, The River and the Swede, l'album qu'on va écouter, dont on va écouter le premier morceau, a été le 14e de ses albums. Et c'est celui qui a reçu le plus de récompenses. Il a reçu 3 Grammy Awards. D'accord. En 2015. T'as vu, pour une fois, il ne nous envoie pas ses rebuts. meilleur album Americana, meilleur album Roots. Un peu country, tout ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et, bah oui. Et meilleure performance Roots, voilà. Donc tout ça pour l'album The River and the Swede. Et le morceau qu'on va écouter, A Feather Not a Bird, a été récompensé du... Une plume n'est pas un oiseau. Une plume n'est pas un noyau. Ne cherchez pas, pas ce que ça veut noyau. Dire, parce que ça fait une demi-heure qu'on cherche et on ne trouve pas. Oui, oui, ça doit être un proverbe. C'est sûrement un proverbe anglais. Indien. Indien, oui. Et, Vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, oui, le morceau qu'on va écouter a reçu un award. Voilà. Eh ben, très bien. Bravo, Phil. Donner quelque chose, la question. Non, non, on n'est pas à la quête, hein. C'est juste savoir si on a bien fourni un disque à Marcus pour qu'il puisse le passer et puis qu'on enchaîne à peu près proprement. Ouais, ouais, ouais. Parce que les enchaînements, il faudra qu'on revoie ça. Hein. Ouais, ça te va pas? Si, si, ça va à peu près. Ah, on s'en sort bien. Oh, on s'en sort bien et puis on est comme à la maison ici, hein. On fait ça tranquillement. Moi, j'ai choisi Neil Young. Ah, qui s'appelle en réalité Perceval, non mais attends, j'y crois pas moi. Perceval, tiens, Fmur Neil est mort. Perceval Young. Fmur, ça fait le Graal, il a recherché le Saint Graal toute sa vie, il l'a jamais trouvé. Fmur, le génie des alpages, ça te dit oui, quelque chose? C'est Perceval aussi? Bah, Perceval, c'est un des héros de Fmur. De Fmur. Ah oui, non, j'ai un peu du mal avec Perceval, le génie des Perceval, c'est alpages. Celui qui crie fort, là. Hein, qui... Oui, oui, oui. C'est quoi, le... c'est un chien? Non, non, non, c'est un berger un peu. Ah, c'est un aussi, peu ouf. C'est un homme. Bon, et... ben voilà. Et l'auteur de la bande dessinée est décédé hier. Ah ben bah décidément. Triste. C'est bien dommage, c'est excellent, Fumur. Ouais. Ah ouais, oh ouais. Le génie des alpages, oui, c'est les moutons qui font des réflexions philosophiques voilà, absurdes. Oui, oui, oui. C'est un peu particulier. Je comprends pas toujours tout, hein, mais je suis pas sûr que tout soit à comprendre. Il faut le relire 20 fois. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, Donc Perceval Young. Perceval Young, Canadien d'origine. Qui fait sa dernière tournée cette année, d'ailleurs, paraît-il. Ah bah écoute, il a 72 ans, je crois, un truc comme ça, ouais, c'est ça. Il a 73 ans cette année, quoi. Bon, bah écoutez, hein, on va pas gloser 3 heures sur Neil Young. Voilà, bah Neil Young. Tout le monde connaît Neil Young. Oui. Hein, je sais même plus. Ah si, je sais, je vais trouver. J'en ai choisi deux. Je t'ai donné les deux, non? Oui, oui. Comme The Time. Elle et puis Laocoon For My Love. Allez, on enchaîne les deux. Comes a time when you're drifting, comes a time when you settle down, comes a light. Lift that baby right up off the ground. Oh, this old world keeps spinning round. It's a wonder tall trees ain't laying down. There comes a time you and I, we were captured, we took our souls and we flew away. We were right, we were giving, that's how we kept what we gave away. Living like I do, it's hard for 'cause I hurt too bad. Can I show you daylight? How could I be sad when I know that you might look out for my love? Look out for my love. Look out. Waving up upon the tower, time reads daylight saving. I'm home again to you, babe. You know it makes me wonder, sitting in the quiet slipstream in the thunder. Look out for my love. Look out for my love. Look out for my love. Look out for my love. Look out. La petite voix aiguë de Neil Young, toute douce. Il a une voix quand même, hein, parce que c'est pas n'importe qui peut chanter ça. Ah ouais, moi ça me rappelle des vieux souvenirs. Ça. Tu sais, c'est les fins de nuit. On avait bien dansé, bien festoyé, bien tout ce qu'on veut. Et puis qu'on s'affalait dans les canapés et qu'on écoutait du Neil Young. On est dans la nostalgie. Non, c'est des bons souvenirs. C'est bon, ouais, on en fabrique des autres, hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on a moins idée d'aller le rechercher aujourd'hui. Moi, je suis contente de le ressortir. Il y a tellement de choses neuves, comme la scène. Tu savais qu'il y avait une scène musicale importante, très importante, notamment en jazz, au Luxembourg. Au Luxembourg, j'imagine même pas qu'il puisse y avoir de l'art. Tu vois, pour moi, Luxembourg, c'est pognon, quoi. Les clichés. Il y a de l'art parce qu'en fait, ils ont l'avantage d'être aux trois ou quatre frontières. Ouais. Aux trois frontières. Ouais. Ouais, sauf la Suisse. Donc, c'est très très riche. Il y a un mélange de musiciens allemands, belges, français, notamment au niveau du jazz. Là, il y a un paquet de disques de jazz. J'ai découvert qu'il y a des groupes qui tournent en France, voire en Europe, qui sont luxembourgeois. Et le problème, c'est que c'est tellement étroit qu'ils étouffent. Ils n'arrivent pas à sortir. Mais ils n'ont pas de place. Hein. Ils n'ont pas de place une fois qu'ils ont fait les 4-5 lieux. Ils ont tout construit. Non, mais une fois qu'ils ont fait les 4-5 lieux luxembourgeois, leur renommée, elle ne va pas plus loin. Ils ont non, mais nous, quand on n'a pas de place, on va dans une clairière, on met des gradins en granit, et voilà quoi. Voilà. Hein. Alors, il y a un groupe qui est du folk, chanson française, entre Stéphane Escher, Stéphane Escher, de la musique irlandaise, etc., qui a une belle énergie sur scène. Stéphane Escher, par rapport à la voix ? Non, par rapport à certaines mélodies, par rapport à au luxembourgeois qui est employé dans certains textes et on comprend pas, comme le suisse allemand, tu sais, quand Stéphane Escher chante en suisse allemand, on comprend pas. Et eux, quand ils chantent en luxembourgeois, on comprend pas tout. Alors c'est un groupe qui s'appelle Dreamcatcher, donc, qui a déjà donné quelques concerts en France et qui en France a réussi la performance en un an à vendre plus de 900 albums, dont une grande partie, 500 ou 600, dans les Fnac, les supermarchés, etc. Et il y a des gens qui commandent. Ils disent c'est très très bizarre. Il y a un public qui nous attend en France, mais on le connaît pas. D'accord. Le bouche à oreille. Parce quand est-ce qu'il faut une tournée alors ? Eh ben, prochainement. Bon, et le style ? On va écouter. Bon, tout n'est pas dans le style que j'ai, mais c'est à peu près le style qui déploie sur scène, quoi. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Not Too Old to Folk and Roll. Alors, pas trop vieux pour le folk and roll. Pour le folk and roll. Moi, j'aurais dit pour le rock folk, mais bon, c'est pas très rock, c'est plus folk que rock. Voilà. Ça sonne très irlandais, c'est très sympathique et ça a une belle énergie. C'est de l'irlandais luxembourgeois. Voilà. Tout un chanteur luxembourgeois, tout un programme. Voilà. Non, en anglais. Woke up this morning to my daughter's crib. Full and sarcastic, she was looking at me. Hey Dad, don't you think you're too old for that shit? Though I really felt like it, too proud to admit. But I will dance irrationally to the hot tones and clapping beats of my worldwide community, cause that's the way I wanna be. And I'm not too old to fuck around. I can rattle and I can roll. Dear kid, are you not a wee bit hard on your dad, talking the way you did? Now just know this, I feel great, like never before. And I'm even up for encores. And I will sing emotionally to the hot tones and clapping beats of my worldwide community, cause that's the way I wanna be. And I'm not too old to folk and roll. I can rattle and I still can roll. No, I am not. Show me a stage, dear. Lend me your ear. Switch on the stars, and I'll be playing the guitar. Maybe my hair is starting to get gray, and my jumps are not quite as they used to be. I'm not too old to folk and roll. Maybe I rattle and maybe I roll. I'm not too old to folk and roll. Maybe I rattle and maybe I roll. No, I'm not. No, I am not. I'm not too old to folk and roll. I can rattle and we all. Sympathique, hein ? Ouais. Non, ça passe vraiment très bien. Et c'est des Luxembourgeois, donc. Le groupe est mené par John Recht. Et comme je te disais, le violoniste est allemand et l'accordoniste est d'origine italienne. Enfin, c'est vraiment... c'est le Luxembourg, quoi. C'est le Luxembourg, le pays rêvé. Et je vous passerai un autre artiste aussi du Luxembourg un peu plus tard. Qui s'appelle Lata. D'accord, bah écoute, tu le passes après. Donc moi, on va rester un peu dans l'Est avec un artiste jurassien. Oh oui. Hubert Félix Thiéfaine. Oh oui. T'es d'accord. Oui, oui. T'es entièrement d'accord avec un morceau qui s'appelle je ne sais plus La Môme Kaléidoscope. Bon, je vous fais pas toute sa bio, hein, on s'en fiche. On a juste envie d'entendre sa voix. Allez, on y va. Kaléidoscope, celle qui faisait son numéro tous les soirs devant le jukebox pour les beaux dollars des gogos. J'avais tous les macs à mes pieds et tous les clients qui lorgnaient. J'étais la reine du pavé et l'oseille, ça dégringolait. Mais l'ombre des plaisirs s'enfuit toujours plus loin vers l'inconnu. On m'a relégué dans la nuit au milieu des vieux tas d'invendus. Je suis la môme kaléidoscope, c'est moi qui faisais le trottoir d'en face. Du temps où j'avais dans le carrosse une chatte qui était pas radada. Et je carburais du siphon à détraquer tous les gravos qui venaient se faire graisser leur oignon avant de replonger au boulot. Mais la brume est tombée trop vite en oubliant les chapelles. On m'a relégué dans la nuit au milieu des vieux tas d'invendus. Je suis la môme kaléidoscope, j'avais des robes à 200 sacs. Et c'était pas dans le viandox qu'on pouvait me voir planquer mon trac. J'en ai connu des gigolos qu'en pince maxi pour mes miches, qui m'offraient la vie de château et le foie gras dans mes sandwichs. Mais les pavots se sont flétris dans les champs du dernier sali. On m'a relégué dans la nuit au milieu des vieux tas d'invendus. Kaléidoscope, j'avais des actions dans le bitume, mais je taillais même celle du clodo qui avait jamais l'ombre d'une thune. J'étais la sainte vierge des paumés, la petite infirmière des fantômes. Je raccommodais les yeux crevés, je rafistolais les chromosomes. Mais le passé n'a pas d'amis quand il vient lécher les statues. On m'a relégué dans la nuit au milieu des vieux tas. La môme kaléidoscope, mais j'ai plus de couleur à la peau. Les mecs m'ont sucé jusqu'à l'os sans même me lâcher du magot. J'habite rue des amours lynchés et je peux voir de mon grabat d'autres mômes se faire défoncer pour des clopes et de la coca. Tu peux venir là où je suis, l'ennui c'est que je ne suis plus. On m'a relégué dans la nuit au milieu des vieux tas d'invendus. Venir là où je suis, l'ennui c'est que je ne suis plus. Hubert Félix Thiéfaine, la plupart de ses textes sont des odes à la vie, ou du moins à la manière de l'approcher, c'est ça, à la mort. Ça n'a pas pris une ride. Hein. Entre ces deux extrêmes, on rencontre l'éloge de la folie, de la littérature, du sexe, de la drogue et malgré tout... Et du rock'n'roll. Du genre humain et du rock'n'roll. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est bien. Mmh. Non, ça, je te dis, ça n'a pas pris une ride. Ben non. Bon, après, il est toujours en scène. Ouais. Ça ne s'arrête pas comme ça. Alors, tu nous proposes Alors, quoi toujours parmi les artistes luxembourgeois. Voilà, on reste dans l'Est. Je vous propose Lata Gouveia. Alors, Lata Gouveia, selon sa biographie officielle, est née à Lisbonne, au Portugal, et ensuite, il est arrivé à son père qui travaillait à l'Europe, quoi. Voilà. À l'Europe. Et je travaille à l'Europe. Oui, il travaille tu parles à l'Europe. D'usine. Non, non. À l'Europe. À l'Europe. À l'Union européenne, on va dire. Donc, alors ça, c'est la biographie officielle. Moi, on m'avait dit qu'il avait été adopté, est né en Amérique du Sud. Bon, bref, on ne saura pas la vérité, mais j'éclaircirai ce mystère. Donc, Lata Gouveia est parti aux États-Unis, à Tulsa notamment, et au Texas, où il a fait de nombreux clubs, nombreux bars, où il a joué avec plein de musiciens, plein d'auteurs-compositeurs, et c'est un vrai songwriter, et il a écrit un premier album au Texas, qu'il a réalisé au Texas, et ensuite il est revenu au Luxembourg, et il prône le songwriting, c'est-à-dire l'écriture et la qualité d'écriture. Il a toute une démarche par rapport à ça, chose qui n'existait pas au Luxembourg par rapport à l'écriture des textes. Et il n'est pas reconnu, en fait, par le gouvernement luxembourgeois. C'est-à-dire qu'il ne reçoit aucune aide, aucun soutien, comme en France, on pourrait le recevoir des bureaux export, etc., etc. Parce qu'il n'est pas d'origine luxembourgeoise. Parce qu'il n'est pas luxembourgeois. Ah bah, attends, hein, on prête qu'aux riches. Hein. Voilà. Alors qu'une Américaine qui fait un album en France, elle reçoit toutes les subventions oui, possibles. Oui, non, mais nous, on est de la musique. Oui. Ils aident certaines personnes. C'est oui. Des choix politiques, tout voilà, ça. Voilà, voilà. Et alors, je ne le connaissais pas du tout. C'est notre ami Jean-Jacques Jeannot qui officie sur Radio Déclic, entre autres, et plusieurs autres radios dans le Toulois, qui m'a fait découvrir cet artiste. Alors, au début, je suis toujours sceptique quand c'est des gens qu'on ne connaît pas. Et en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité. Ça passe vraiment bien. C'est entre l'americana et le blues. Le morceau qu'on va entendre s'appelle Chico. Chico, Chico. There's a million women looking for a good man. All the best guys, they're all gone, somebody else. Senorita, we don't care. The ticking clock, the career and the pop. Cause all we wanna do is hang out, somebody told you. So give me just a little bit, and I won't tell you no lie. Give me just a little tip, it's a gamble, but we're doing fine. You know my skin's so thick, my life is so mine. I really don't care what they say. They call me Chico, some call me Paco. I'm pretty happy, I'm pretty free. Senorita, I'm at the airport. All the cops that I see, they're looking younger than me. There's a smile on my face, cause I know this is the place to be. Senorita, you've had the world on your shoulders since way before noon. It's a waste of your time to comply with what you think of you. Give me just a little bit, and I won't tell you no lie. Give me just a little tip, it's a gamble, but we're doing fine. You know my skin's so thick, my life is so mine. I really don't care what they say. They call me Chico, some call me Paco. I'm pretty happy, I'm pretty free. They call me Chico, some call me Paco. Pretty happy, I'm pretty free, pretty free. So give me just a little bit, and I won't tell you no lie. Give me just a little tip, it's a gamble, but we're doing fine. You know my skin's so thick, my life is so mad, I really don't care what they say. Call me Chico, so call me Paco, I'm pretty happy, pretty free. They call me Chico, so call me Paco, pretty happy, pretty free. Tout ça hein, pour des ouais. Luxembourgeois finalement. Oh, les condescendants. Ouais, ouais, attends, ouais. Non, c'est quand même le Luxembourg. Hein. Oui, enfin, il est pas luxembourgeois non plus. Hein. Ouais. Bon, et ben, moi, je vais vous passer du Luc Doucet. Luc Doucet, allez, en français dans le texte. Le guitariste de White Horse que vous avez pu voir au grattoir. Voilà. Et il y a quelques années. Il est canadien, cet homme-là. Oui, et il est considéré comme un des meilleurs guitaristes multigenres du Canada. Il a joué avec de nombreux groupes, comme Blue Rodeo, qui est le groupe de country, entre guillemets, officiel du Canada. Ouais. Mais qui n'a rien à voir avec la country... Basique américaine, ouais. Quoi. Mm. Ouais, c'est plus de la country comme. Il est considéré plutôt comme un songwriter. Comme. Comment ça s'appelle the Flying Burrito Brothers, quoi. Mm. Dans ce style-là, plutôt. Plutôt cette country-là. Mm-hmm. Alternative country. Voilà. Voilà, c'est plutôt ça. Et lui, donc, il chante, il joue de la guitare, du piano. Et puis, un peu de percussion. Et donc, il a 44 ans. Oui. Il est toujours en activité. Et puis je vous ai choisi un petit morceau qui moi m'a beaucoup plu, qui s'appelle Long Haul Driver. And I'm leaving at dawn. I don't think that I will see you, so I'll leave the porch light on. I know you land at 8 o'clock, but I'll be gone by 5. I'll be waving out the window as I pass the airport by. Oh yeah. Because I am a long haul driver and I'm leaving at dawn. I don't think that I will see you, so I'll leave the porch light on. Yeah. Through Michigan to Illinois and Indiana too, I'll turn this rig towards the north, but still away from you. Are waltzing in my mind's blue eyes, strumming your guitar. 2,000 miles between us, yet I'm never, ever that far. Because I am a long haul driver and I'm leaving at dawn. I don't think that I will see you, so I'll leave the porch light on. Oh yeah. St. Paul, I'll be picking brown-eyed Susans by the road as twilight falls. When I pass back into Canada, well, I may stop for a smoke. Yes, I know these things will kill me, but my dear, so might the road. Because I am a long-haul driver and I'm leaving at dawn. I don't think that I will see you, so I'll leave the porch light on. Oh, rising up the midnight black horizon, and I'm wishing you are with me, where no passengers are riding. When my payload's unloaded safely out in St. Vital, I'll try to catch the perps at high and low before last call. Luc Doucet and the White Falcon, tiré de l'album Bloods and Storage. Ouais, le, okay. le sang est trop riche, comme le boudin. Voilà. Voilà. Surtout quand on a bu trop de rhum. Ouais. Le sang est encore plus le riche. Le sang est encore plus riche. On revient à Rosanne Cash, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, son album a été enregistré, notamment certains morceaux avec... Excusez du peu, John Paul White. Il en perçait. C'est Derek, rien. Derek Trux, du Derek Trux Band. Trux, peut-être. Ouais, Rodney Crowell, bien sûr. Amy Helm, Chris Christopherson. Okay. John Prine, que j'ai découvert cette année, parce que les trois artistes que j'ai eus, qu'ils soient canadiens ou américains, ne me parlaient que de John Prine. Ouais. Comme quoi, c'est l'auteur actuel, enfin, qui est déjà âgé, hein, de référence, quoi. Et qui écrit des très très belles chansons. J'avais déjà écouté quelques albums. Bon, je ne m'étais pas intéressé au texte, mais il va falloir que je me penche un peu là-dessus. Parce que comme ça, à l'oreille, ça ne fonctionne pas. L'anglais, c'est mieux par écrit. Ouais, c'est mieux par écrit, c'est plus facile. Bah, ouais. Voilà. Mais on va donc écouter un morceau qui s'appelle 50 000 watts. Ok, ça envoie du gros. Non, ça parle du son trop fort. Voilà. Ça en parle la voix. It's a hard road, but it fits your shoes. Son of rhythm, brother of the pull of the oak. Everything is broken and painted in smoke. There's a light on Sunday, a new old desire. The sound of the whistle calls red. Redemption will come, just tune it on in. across the radio wires. Love in your future, I'll wait for you there. With 50,000 watts of a common prayer. 50,000 watts of common prayer. Bon son. C'est une grande artiste, tu vois. Ah ouais. Rosanna Cash. Eh bien, l'émission touche presque à la fin. Alors, je me suis dit, mais Phil a l'air d'accord et Marcus aussi. Oui, oui. Que... Et puis, il me reste des vinyles, alors, comme les vinyles. Les vinyles ce soir, voilà, ce sera une autre fois, mais. Et puis, Jodas et Eddie Mitchell. Mais ce sera pour une autre fois aussi. Ça pour une autre fois. Non. Je veux faire une démonstration de l'original à la traduction française d'une chanson, et ça sera pour une prochaine fois. Oui, parce que là, t'as plus le temps. Tu vois, c'est parce que j'ai plus le temps et qu'on va passer. Non. Jaco. On va encore écouter une petite chanson de Jacques Higelin quand même pour finir cette émission en beauté. On va écouter Tomber du ciel. Par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sou qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle, tombé du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gage. Comment peut-on tomber? Tomber du ciel, remède aux louanges, chassé par les anges du paradis originel, tomber du sommeil, perdre les connaissances, retomber en enfance, au pied du grand sapin de Noël, parler de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance. Hasard, Gaspard, Melchior, les trois fameux rois mâles, trafiquant d'import-export. Tomber dans haut, comme les petits couteaux que j'entends tomber dehors par la fenêtre quand je m'endors, le cœur en fait. Poseur de girouette, du haut du clocher, donne à ma voix la direction. Par où le vent emporte ma chanson. Tombé par inadvertance, tombé à la fleur de l'âge, dans l'oubli solo. Sur le pavé, les yeux en l'air, les semelles battant la poussière. On voit tomber des balcons, des pots de fleurs, des mégots, des chanteurs de charme, des jeunes filles en larmes et des alpinistes amateurs. Tomber d'en haut, comme les petits couteaux que j'entends tomber dehors par la fenêtre. Oh, tomber à terre pour la fille qu'on aime, se relever indemne et retomber amoureux, tomber sur toi, tomber en pamoison, avaler la ciguë, goûter le poison qui tue l'amour. Ben voilà. Et ben ma foi, voilà. Alors dans 15 jours, nous serons oui, encore au mois d'avril. Donc moi je serai encore là. Et moi aussi, bizarrement. Donc on vient tous les deux le 26 avril. Le 26 avril. Par contre le 9 mai, je ne serai pas là. Et puis le 23 mai, je ne serai pas là. Et ben je viendrai quand même. Et puis le 6 juin, je serai là. 6 juin, mon Dieu donc. Bref. Ben moi, oui, je serai donc là. Je t'abandonne deux dates en serai mai. Là-bas. Enfin, je suis pas là en mai, quoi, en gros. On a l'habitude. Je pars voilà, plusieurs fois en vacances, mais ça tombe justement. Ouais, mais t'inquiète pas, j'ai préparé que des disques. Que de la country. D'ailleurs, Marc sera pas là non plus. C'est bien ça, t'as tout compris. Et ben, je ferai tout tout seul. Chiche. Moi, voilà, non, jamais. Je viendrai enregistrer quand ouais, Marcus sera là. Ça fait longtemps que je fais de la radio, mais j'ai jamais touché un bouton. Je dois dire que je... Ah, attends, je mélange ma droite et ma gauche déjà. Ouais, c'est ouais, mal parti sur une platine. Mais bon. Eh ben, donc on se retrouve dans deux semaines. Et puis vous pourrez écouter la rediffusion de cette émission mardi à 16h et samedi à minuit. Minuit. Et d'ici là, ben, on vous embrasse. Et salut Marcus, salut Philou. Salut Marcus, salut Sophie. Bye bye.